AXA, premier assureur des pros. C'est plus haut qu'on croit, tu vois. Bah, il a pas peur du vide, hein, le cousin. Il pose du zinc, là. Enfin, des ardoises. Faut suivre, hein. Soutenir son cousin pour Patrick, cette famille. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais. Mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Un temps un peu plus calme au sud, les températures seront comprises cet après-midi entre 13 et 24 degrés du nord au sud. France Culture. L'esprit d'ouverture. Il était fou, c'était quand même un pari de son côté un peu incroyable. Mai 2021 marque le 40e anniversaire de l'accession au pouvoir de François Mitterrand. En 2016, Anne Pinjot réservait à France Culture son unique prise de parole pour la publication de sa correspondance avec le président. François savait qu'il avait intérêt à trouver quelque chose qui m'intéresse. À l'occasion de la diffusion du film « Fragments d'une passion amoureuse » sur France 5, à voix nue, Anne Pinjot, cette semaine à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Alors que la pandémie a révélé la centralité de l'Asie dans le système productif mondial, nous allons nous pencher cette semaine sur les atouts industriels du continent. Culture Monde, Florian Delorme. Nous parlerons de Taïwan, devenu le champion des semi-conducteurs, ce qui lui confère un avantage stratégique certain. Nous irons en Inde, où sont produits nombre de médicaments et autres vaccins dont on a tant besoin, sans oublier la Chine, bien sûr, qui, après avoir été l'atelier du monde, devient le cœur de l'innovation industrielle mondiale. Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr. Il est encore 9h06 sur France Culture, tout de suite le cours de l'histoire avec vous Xavier Mauduit, bonjour. Bonjour Catherine Dutu, et ça y est, il est 9h07 sur France Culture. Écoutez Catherine, nous partons en Turquie, la Turquie d'Erdogan nous rappelle régulièrement dans l'actualité combien le regard porté sur l'alcool est sévère, et là il y a nécessité d'entendre la parole des historiens. L'alcool en Turquie et dans l'Empire Ottoman, c'est une longue histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nous allons boire avec le sultan, nous allons boire dans l'Empire Ottoman. En 1919, alors qu'il est proche de sa disparition, paraît dans l'Empire Ottoman une étude sur l'avenir économique de l'Asie mineure. On peut y lire que la presque totalité des raisins étant séchés, la production de vin est relativement minime. Les raisins utilisés pour la vinification proviennent principalement des vignobles des environs de Smyrne. Et pour l'alcool, la production locale est loin d'être en rapport avec la consommation, surtout pour le raki, consommé par les individus de toute race et religion, musulmans compris. Oui, en 1919, qui boit de l'alcool dans l'Empire Ottoman ? Eh bien écoutez, nous allons partager un petit verre de raki avec le sultan. François Georgeon, bonjour. Bonjour. Comment consomme-t-on un bon raki ? C'est quoi le raki ? Alors le raki, c'est un alcool à base de marc de raisin. En principe, mais ça peut être fait aussi avec d'autres alcools, et auxquels on ajoute de l'anis, à la fois pour le parfumer, et puis pour lui donner cette couleur blanchâtre qu'il a lorsqu'on lui ajoute de l'eau. Voilà. Et on le boit frais, aujourd'hui avec de la glace, et on le boit lentement, entre la conversation, enfin il faut parler, pas seulement boire mais également parler. Ah oui, l'alcool c'est aussi de la sociabilité. Dites-nous, peut-on dire que le raki est une boisson nationale pour la Turquie d'aujourd'hui ? On l'a dit, ça a été dit, curieusement j'ai trouvé l'expression dès la fin du 19e siècle. Ce qui était curieux de l'appeler boisson nationale, puisque on avait affaire à un empire multinational, mais enfin c'était une formule qui venait naturellement sous la plume des observateurs, comme cela vient pour le thé en Angleterre ou le vin en France. bien sûr. Dans les années après ça, de la République, on disait très souvent, oui, c'est la boisson nationale, parce que c'était la boisson, au fond, le raki, il est consommé uniquement en Turquie. Sous ce nom-là, en tout cas, parce que l'ouzo en Grèce et l'arak au Liban lui ressemblent beaucoup. Mais lorsqu'on dit raki, on pense Turquie. Voilà, donc c'était associé dans l'esprit des gens. Et il était courant, effectivement, d'entendre dire que c'était une boisson nationale, même si il faut dire que on ne peut pas dire que les gens en Turquie buvaient autant que les Français le vin, par exemple. Bon, et puis, plus récemment, le président Erdogan... qui représente un islam conservateur, a essayé de diffuser l'idée qu'il y avait en fait une autre boisson nationale pour les Turcs, qui était l'ayran. C'est un mélange de yaourt et d'eau. C'est une boisson qui vient de l'Asie centrale. Mais je ne suis pas sûr que cette conversion ait pris profondément dans la société turque. Il aurait pu tenter avec le café turc. Alors, bien sûr, le café, c'est une autre boisson que l'on peut dire nationale, mais enfin, qui est aussi tellement internationale. Le café turc qui accompagne d'ailleurs d'une certaine façon l'alcool depuis qu'il est apparu dans l'Empire ottoman, puisque c'est dans l'Empire ottoman que le café est apparu au début du XVIe siècle et que l'on le boit aujourd'hui à la turque et non pas comme nous, si vous voulez, sous la forme de l'expresso, voilà. Le café, le raki et puis le vin. Il faut rappeler que nous sommes sur un territoire, François Georgeon, que vous avez étudié sur le temps long, au pays du raki, le vin et l'alcool de l'Empire ottoman à la Turquie d'Erdogan. C'est publié aux éditions du CNRS. Et justement, mais rappelons que nous sommes sur un territoire qui, du temps des Grecs, des Romains et puis ensuite des Byzantins, produisait énormément d'alcool, en tout cas du vin. Oui, du vin. Même cela remonte à même avant les Grecs. Hein, les Hittites, on le sait, consommaient du vin. Donc c'est une tradition de l'Asie mineure, de l'Anatolie, qui est très ancienne. Alors, j'ai parlé dans mon livre de l'Empire ottoman comme d'Empire de la vigne. C'est évidemment un petit peu paradoxal. Mais si on regarde la carte, en fait... de l'Empire dans sa plus grande extension, c'est-à-dire, disons, vers 1600. Et la carte qui a été reconstituée par les historiens de l'extension du vignoble à cette époque-là, en fait, on s'aperçoit que ces deux cartes coïncident d'une manière remarquable. C'est-à-dire que le vignoble poussait davantage, mais c'est comme en France, si vous voulez, il poussait davantage dans des régions qui, aujourd'hui, ne sont pas particulièrement connus pour leur viticulture. Et oui, parce que l'Empire ottoman, en 1600, il s'étend de la Hongrie à la Tunisie. Donc je cite ces deux pays parce qu'ils sont bien connus pour la qualité de leur vin. Il s'étend de l'Adriatique jusqu'au Caucase. Or, le Caucase est le pays d'origine, semble-t-il, du vin. Et, si vous voulez, de la mer Noire jusqu'à l'Arabie. Bon, là, on passe peut-être à d'autres, une autre écoculture en Arabie, avec, mais il y a la date, qui est les dates, qui, elle aussi, donne de l'alcool ou du vin. Donc voilà, c'est une extension géographique où la vigne occupe une place considérable dans l'économie et dans la vie sociale, culturelle, dans l'alimentation des Ottomans. Et dès lors, la question se pose, y a-t-il une rupture avec l'arrivée des Turcs ? Bonsoir. Notre journal de l'année 1453 commence par une nouvelle dont l'annonce a bouleversé toutes les capitales du monde occidental. Constantinople, capitale religieuse du monde byzantin, vient de tomber aux mains des Turcs. Rares sont ceux qui ont pu s'échapper, comme le cardinal Isidore, qui a bien voulu venir dans nos studios. Alors, Monseigneur, pouvez-vous évoquer ici la chute de Constantinople, dont vous avez été, hélas, le témoin ? C'est une longue et pénible histoire, vous savez. Le siège de la ville a duré 2 mois, 2 longs mois, pendant lesquels on espérait toujours voir arriver une aide de l'extérieur. Hélas, impossible. Le sultan avait fait venir des centaines de navires, des gros, des petits, si nombreux que la mer en était couverte. Ah, Ce n'est pas sans raison que les infidèles l'appellent le conquérant. Bien qu'il n'ait que 23 ans, Mehmet II, sa gloire égale déjà celle du prophète. Le pauvre cardinal Isidore, qui a traversé les siècles, il est passé de 1453 à 1981 dans cette émission, Le Passé en direct, c'était sur FR3. François Georgeon, bien sûr, la question se pose, il y a sur ce territoire d'Asie mineure des productions de vin, beaucoup de consommation de vin, et arrivent les musulmans. Alors ils arrivent peu à peu, en 1453, ils sont à Constantinople. Est-ce que cela change complètement la manière de consommer le vin ? Alors, les musulmans, les Turcs, arrivent en Asie mineure bien avant la conquête de Constantinople. D'abord, ils y fondent un grand empire, le Seljoukide, l'empire Seljoukide qui est centré sur l'Asie mineure. Et puis, à la périphérie, un certain nombre d'émirats qui se constituent et qui luttent effectivement contre les Byzantins et en même temps font des affaires avec eux. Et parmi ces émirats, il y en a un qui est situé dans l'angle nord-ouest de l'Anatolie, qu'on appelle la Bithynie, qu'on appelait autrefois la Bithynie. Et il est fondé par un certain Osman, qui va donner le nom d'Ottoman en français. Donc c'est à partir de ce petit émirat que l'Empire ottoman va se constituer peu à peu, d'abord en se répandant en Anatolie occidentale, puis dans les Balkans très vite, au milieu du XIVe siècle. Et la rencontre se fait donc entre l'islam et la chrétienté, avec les Turcs et Byzance, dans des territoires qui sont des territoires viticoles. En particulier, la Bithynie est un grand pays de vignes. C'était un grand pays de vignes à l'époque byzantine. Et parmi les meilleurs vins qui étaient consommés dans l'immense capitale byzantine, Constantinople, eh bien, ils venaient beaucoup de Bithynie. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand les Ottomans conquièrent la Bithynie au début du XIVe siècle, et installent leur émirat? Eh bien, bon, il y a des destructions, on le sait, de vignobles, mais finalement, la vigne se reconstitue assez vite, ne serait-ce que parce qu'en fait, ils maintiennent sur place la population chrétienne et essentiellement grecque qui s'occupait de viticulture. Et donc ce sera le système ottoman, si vous voulez, qui est en fait de accorder aux populations non musulmanes, c'est-à-dire essentiellement les juifs et les chrétiens, d'accorder une autonomie qui était suffisamment importante en termes culturels, religieux et économique, pour les laisser faire, en fait, leurs occupations économiques traditionnelles, parmi lesquelles la viticulture et la viniculture et la fabrication du vin. Donc, c'est la raison pour laquelle, paradoxalement, dans cet empire qui est un état musulman, eh bien, on trouve, la vigne, comme on l'a dit, répandue un peu partout, et une consommation de vin qui est évidemment importante chez les chrétiens et chez les juifs, mais également dans une fraction de la population musulmane. Alors là, nous touchons au cœur de la problématique, disons-le, de votre travail, François Georgeon, au pays du Raki. Dans l'Empire ottoman, il y a consommation de vin par des musulmans. Avec la question, il faut peut-être préciser, que dit le Coran d'ailleurs sur la consommation du vin ? Alors, le Coran parle du vin. Il y a à peu près 5 versets du Coran qui font allusion au vin. Le vin en Arabie, à l'époque du prophète, c'était soit du vin de date, mais c'était du vin, en fait, de raisin, à partir de raisin, qui était amené et consommé surtout par des chrétiens ou des juifs qui se trouvaient à la Mecque ou à Médine, au Hedjaz. Et le prophète, semble-t-il, a commencé par considérer que c'était finalement un bon aliment. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le Coran, que le vin est un excellent aliment. Et puis, sans doute, à la suite d'expériences qu'il a eues avec ses condisciples, eh bien, il s'est aperçu des méfaits que pouvait avoir la consommation de cette boisson, une consommation excessive. Et peu à peu, on voit dans la reconstitution historique des sourates, si vous voulez, du Coran, des versets du Coran, eh bien, on voit que le vin finit par être condamné, mais condamné très sévèrement, puisqu'il est l'œuvre de Satan. l'œuvre de Satan, au même titre que les jeux de hasard, par exemple, ou d'autres éléments qui sont condamnés par le Coran, comme les superstitions. Et par conséquent, c'est ce qui a été retenu par ceux qui ont collecté les paroles et les écrits du prophète, qu'on appelle les hadiths, et qui, dans ensemble, condamnent formellement le vin. Mais en même temps, il y a dans le Coran un verset qui est très intéressant et qui dit « Au paradis, les bons musulmans auront droit à des rivières de vin ». Et c'est tout de même important, ce qui fait qu'il y a une ambiguïté une fondamentale dans le Coran, une ambivalence. Il est condamné formellement sur place, sur terre plus exactement, et il est en fait réservé au paradis, ce qui évidemment crée une tension chez l'amateur, chez le musulman, si vous voulez. Il est partagé entre le désir, un voyageur appelle le désir chatouilleux du vin, d'une part, et d'autre part, le respect, évidemment, de la loi religieuse. Le désir chatouilleux, c'est très rigolo, ça, en parlant du vin. J'aime beaucoup. Voilà, il y a des chatouilles qui nous plaisent énormément, parce que nous voyons bien, dans cet empire ottoman, où il y a des chrétiens et des juifs qui consomment du vin, mais qui sont mêlés à cette population musulmane, avec, et vous nous le dites très clairement, je ne le savais pas que le vin dans le Coran pouvait se retrouver au paradis, mais que sur Terre, il est totalement interdit, ce qui pose la problématique de la présence d'alcool dans le monde musulman. Vers le sud et l'est de l'Europe, la vigne rencontre l'obstacle obstiné de l'islam. Il est vrai que dans les espaces qu'il contrôle, la vigne reste en place et le vin s'y révèle un voyageur clandestin infatigable. À Istanbul, près de l'arsenal, les taverniers en débitent tous les jours aux marins grecs. Et Selim, le fils de Soliman le Magnifique, n'aimera que trop les vins liquoreux de Chypre. Marion Malenfant qui lisait un extrait de Civilisation matérielle et capitalisme, l'ouvrage de Fernand Braudel. D'ailleurs, François Georgeon, vous le mettez en exergue, Braudel, dans votre livre Au pays du Raki, CNRS édition. Alors, c'est drôlement intéressant, cette approche de l'historien sur un sujet complètement en marge où pendant longtemps l'étude de l'alcool dans le monde musulman n'a pas du tout été avancée, disant il n'y a pas d'alcool dans le monde musulman. Oui, Braudel, ce qui est intéressant, c'est que Braudel avait une vision très large et il est un des rares à s'intéresser dans ses travaux, si vous voulez, et notamment dans Civilisation matérielle et capitalisme, à faire une grande part aux civilisations non européennes, et en particulier à l'islam et à l'Empire ottoman. Bon, ce ne sont que quelques lignes, mais elles sont très intéressantes, et parce que généralement, il n'y a aucune allusion à cela dans les ouvrages généraux. En gros, ils disent dans les pays musulmans, l'alcool est interdit et finalement, on ne pense pas à étudier cette question. Or, elle est d'autant plus intéressante lorsqu'on est en face de populations qui sont mélangées, qui se côtoient, qui parfois même vivent ensemble dans des mêmes quartiers. Souvent, les quartiers sont communautaires, mais il arrive aussi qu'il y ait des espaces communs aux différentes communautés. Et c'est là que l'alcool devient particulièrement intéressant, si vous voulez, pour l'historien. Et la question se pose aussi, et ça c'est une source de l'historien, d'ailleurs c'est bien souvent les sources qui restent le plus factuelles, c'est l'interdiction, la punition, la source juridique. Quel est le regard des autorités sur la consommation d'alcool dans l'Empire ottoman ? Alors c'est vrai qu'on connaît d'une certaine façon, et c'est paradoxal, on connaît presque mieux l'alcool chez les musulmans de l'Empire que parmi les communautés. Pourquoi ? Parce que comme c'était interdit, on a des sources juridiques qui sont très importantes et qui sont en particulier les sources judiciaires, les registres des cadis, comme on appelle, c'est-à-dire les juges musulmans, et qui nous renseignent sur toutes sortes d'événements qui se situent, des crimes, des adultères, et qui nous renseignent également sur la consommation d'alcool par les musulmans, mais pas seulement. Il arrive aussi qu'il soit question de chrétiens ou de juifs qui dépasse, si vous voulez, l'autorisation qui leur est faite. Il leur est interdit, en particulier, de vendre du vin à des musulmans. Et donc, si cela arrive, eh bien, ils se retrouvent devant le tribunal du Cadi, éventuellement. Et donc, ces sources sont très nombreuses. Les Ottomans ont conservé, étaient des archivistes. Enfin, ils conservaient énormément des d'archives et de documents. Et on a donc une masse considérable qui concerne cette consommation d'alcool à travers les registres des cadis. Qu'est-ce qui se passait généralement, c'est que des gens étaient surpris à boire en public, ce qui est évidemment très important. Souvent, dans des quartiers, ils amenaient des femmes pour faire la fête, pour faire bombance. Et évidemment, ça ne passait pas inaperçu. Ils étaient attrapés soit par les voisins, soit par les agents de l'ordre public, qui étaient nombreux à sillonner les rues des villes ottomanes, et en particulier de la capitale Istanbul, et qui les faisaient venir au tribunal du Cadi. Il fallait des témoins, bien sûr. Il y avait des témoins qui précisaient qu'ils avaient vu un tel ou un tel en train de faire bombance, ou même qu'ils sentaient le vin, car l'haleine était un problème, un véritable problème qui se posait, ce qui fait qu'il y a eu toutes sortes de procédés qui ont été inventés pour essayer de faire passer l'haleine du vin. Les Ottomans ont fait preuve de beaucoup d'imagination à ce sujet. Fallait pas que l'on sente le vin, et si l'on sentait le vin, que risquait-on ? Ah, si on sentait le vin, eh bien, on risquait les peines. Alors, les peines étaient très variables en fonction probablement de l'humeur du juge, mais aussi de l'époque à laquelle se passaient ces incidents. Il y a eu dans l'Empire ottoman des époques de restrictions sévères, de prohibitions, et on a des cas où des buveurs, comme des utilisateurs de tabac, comme des fumeurs par exemple, ou même des buveurs de café, ont été condamnés à mort. C'était des cas assez exceptionnels sans doute, et qui correspondent à des périodes de raidissement religieux et politique, et qui concernent surtout certaines périodes du XVIIe siècle, où il y avait un mouvement très fondamentalistes, qu'on appelle les Kadazadeli, et qui ont eu une influence forte sur un certain nombre de sultans au XVIIe siècle. Donc, ça pouvait aller jusqu'à la peine de mort, mais enfin, c'était tout à fait rare, et ça pouvait être l'amende, car les Ottomans ont beaucoup utilisé, en dehors de la législation, la charia, en fait, de la loi religieuse, l'État ottoman a eu sa propre législation, et dans laquelle, la plupart du temps, les peines, et en particulier les peines physiques, étaient transformées en amendes. Donc, d'accord, il y avait beaucoup d'amendes. Et puis, sinon, il y avait d'autres... il y avait la bastonnade, il y avait une peine qui était assez douloureuse, qui était celle de l'exposition publique, c'est-à-dire où on promenait le buveur, l'ivrogne, dans les rues de sa bourgade ou dans son quartier, pour l'amener le faire honte devant le public. Voilà, c'était une peine assez difficile, assez lourde. Mais voilà, il y avait toutes sortes de peines. En réalité, on a beaucoup de documents donc sur ces gens amenés devant le cadi. Il y avait aussi quelques femmes qui étaient prises parfois à boire, ou qui étaient souvent des prostituées d'ailleurs, buvant de l'alcool dans des tavernes. C'est la pertinence aussi de votre travail, François Georgeau, au pays du Raki, de travailler sur le temps long, qui permet de voir ces différentes périodes de prohibition, de plus ou moins grande tolérance. Eh bien, nous, dans le cours de l'histoire, nous avons mis quelques bouteilles de raki dans notre cadi et nous partons faire un tour à Istanbul. Il est deux façons privilégiées de contempler la ville des empereurs et des sultans, de la mer et puis aussi du haut des airs. Hagia Sophia, Sultan Ahmed, Soleimaniye, Topkapi, Galata, Dolmabahçe, syllabes sonores prédestinées à composer une éclatante incantation à la beauté. Alternance des coupoles altières et des minarets audacieux, 12 fontaines coulant dans une débauche de précieux carreaux de faïence, palais de légendes qui étirent leurs façades le long des eaux du Bosphore. C'est cela, Istanbul. Istanbul présenté comme une carte postale par l'ORTF en 1967. Dans le cours de l'histoire, aujourd'hui, nous buvons un verre avec le sultan, l'alcool dans l'Empire ottoman. François Georgeon, il est aussi question de géographie. Alors géographie à l'échelle de l'Empire ottoman, vaste territoire, mais même géographie à l'échelle de la ville d'Istanbul. Dans la carte postale, nous voyons les beaux bâtiments. L'alcool se consomme aussi dans des quartiers spécifiques. Où en fait peut-on trouver de l'alcool à Istanbul si nous nous baladons dans l'Empire ottoman ? Alors on trouve de l'alcool surtout dans les quartiers qui sont habités en majorité par des chrétiens et des juifs, c'est-à-dire en fait les quartiers qui se trouvent au nord de la Corne d'Or, des quartiers, ce qu'on appelle le quartier génois, c'est-à-dire Galata. Et puis, peu à peu, lorsque Istanbul va s'agrandir vers le nord, vers des quartiers qu'on appelle Pera, par exemple, eh bien, c'est là qu'on va trouver les tavernes. En grand nombre, c'était déjà le cas à l'époque byzantine. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une continuité, en réalité, entre l'époque byzantine et l'époque ottomane. Et c'est presque vrai encore aujourd'hui. C'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que les quartiers comme Galata et Pera restent les quartiers où l'on consomme plus particulièrement de l'alcool, même si évidemment dans l'Istanbul d'aujourd'hui qui fait 15 millions d'habitants et qui s'est répandu jusqu'au nord du Bosphore, évidemment on trouve un peu partout de l'alcool. Donc à l'époque ottomane, en fait, c'est quand même cette région qui est plutôt... ce sont les quartiers qui sont plus densément habités par des Arméniens, par des Grecs, par des Juifs. Certains quartiers qui sont dans le vieil Istanbul, c'est-à-dire dans la péninsule historique, où il y a par exemple un quartier qui s'appelle Kumkapı, où il y a de très nombreux Arméniens et où on trouve également des tavernes. Donc on en trouve en principe plus difficilement dans les quartiers musulmans. Donc en fait c'était plutôt les musulmans qui voulaient boire et qui se rendaient dans les tavernes de leurs compatriotes d'autres religions, et à leur risque, c'est péril, bien sûr. C'était parfois un peu difficile, mais enfin, ils pouvaient se déguiser, ils pouvaient raser les murs. Il y avait un certain nombre de possibilités qui existaient, soit pour acheter du vin, soit pour le consommer sur place dans des tavernes. Bien sûr, comme vous le disiez, il y a sur la longue durée, on voit une évolution, et on voit en particulier qu'à partir du 19e siècle, à partir de l'époque qu'on appelle les réformes ottomanes, c'est-à-dire de l'ouverture de l'Empire ottoman à la fois sur le plan économique, politique, administratif, la diffusion de l'alcool et en particulier du raki, eh bien, devient plus importante et on voit apparaître des tavernes dans des quartiers d'affaires, par exemple, auprès des gares de chemin de fer. Là, évidemment, on est dans un schéma un peu différent. Schéma un peu différent sur la présence de l'alcool dans l'Empire ottoman. Puis-je vous offrir du vin, votre sainteté ? Non. France Culture. Je pourrais dire que nos esprits sont les temples des sept divinités et doivent demeurer purs. Le cours de l'histoire. Mais en vérité, j'en trouve le goût déplaisant. Xavier Mauduit. Le vin dans l'Empire ottoman avec, c'est vrai, nous sentons bien, François Georgeon, l'importance de ces autres religions, chrétiens ou juifs. Alors, la consommation est une chose, le commerce aussi. Il y a autorisation de production et de commerce du vin. Il y a autorisation de production et de vente, mais normalement, pas aux musulmans. Et c'est pour ça qu'il y avait parfois, effectivement, des chrétiens, des grecs, des arméniens se retrouvaient, et des juifs se retrouvaient au tribunal pour avoir vendu du vin. Mais ils avaient le droit, effectivement, de produire et de vendre bien entendu, ce droit rapportait à l'État ottoman. Et c'était un problème très important, c'est-à-dire que le vin, la production d'alcool et la vente de l'alcool étaient constitués des revenus très importants dans l'Empire ottoman, ce qui fait que l'État, en réalité, se trouvait presque toujours dans une tension entre exercer une certaine moralité, faire respecter la loi religieuse d'un côté, et d'autre part, remplir le trésor qui en avait souvent bien besoin à cause de toutes les guerres qui étaient menées et des conquêtes tout au long de l'histoire de l'Empire ottoman et toutes les dépenses pour l'armée et pour les constructions, etc. Donc voilà, on a cette tension entre ce que j'appelle la moralité et la fiscalité, si vous voulez, et qu'on le retrouve, c'est un fil rouge, en fait, que l'on retrouve tout au long de l'histoire ottomane. Et lorsqu'il y avait prohibition, lorsque l'État interdisait tout à fait la consommation d'alcool, comme c'est arrivé à l'époque de Soliman le Magnifique et à plusieurs reprises au XVIIe siècle et même encore au XVIIIe siècle, ça créait des vrais problèmes financiers, ce qui fait que les périodes de prohibition, en réalité, ne duraient jamais très longtemps et on revenait à l'État antérieur de tolérance, disons, à l'égard des boissons alcoolisées. C'est un bel exemple de tension qu'il peut y avoir entre la nécessité de la santé publique ou de respect de règles religieuses et puis l'intérêt financier des États. Le cours de l'histoire aujourd'hui se trouve dans l'Empire ottoman et plus précisément à Istanbul. Istanbul, Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je l'ai trouvé un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul. Le muezzin chantait en haut d'un minaret. Et tout le long du Bosphore, je faisais déjà des rêves de Istanbul. La vie était belle, c'est à Istanbul. Je me le rappelle quand mon cœur fut pris par les sortilèges de l'Asie. Je l'ai suivi dans la foule un soir sous le beau ciel d'Istanbul. Istanbul, Istanbul, Istanbul, Istanbul. Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je me voyais déjà arrivé au paradis d'Allah qui vous attend là-bas. Oh Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je m'approchais en me faufilant au milieu de la foule d'Istanbul. Je ne savais comment traduire mes sentiments, mais en riant, elle me dit, comme vous, j'arrive droit de Paris. Oh Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, Constantinople que nous avons pris. Le train qui nous ramène à Paris, loin du bruit et de la foule. C'est bon de rêver à Istanbul. Istanbul par Dario Moreno dans le cours de l'histoire sur France Culture réalisé par Somaya Dabesh avec à la technique Nasser Moussaoui. Ah, plaisir Dario Moreno. Justement, François Georgeon, nous parlons d'Istanbul. Alors, Istanbul, Constantinople, Dario Moreno, cette certaine légèreté. Nous évoquons cette longue histoire de l'alcool. Alors, nous parlons du vin. Alors, la histoire millénaire, le raki. Autre histoire, autre alcool. En fait, que consomme-t-on dans cet empire ottoman? Si nous sommes à la buvette, qu'avons-nous comme choix? On a le choix entre, disons à l'époque classique ottomane, à trois boissons essentiellement. Le vin, bien sûr, qui est vraiment dominant au moins jusque vers la fin du 19e siècle. Et qui est consommé partout, et sur lequel on a beaucoup de documents, parce que, en particulier les voyageurs européens, parce qu'ils étaient très soucieux de savoir où est-ce qu'ils pourraient trouver du vin sur la route. Donc on a une bonne documentation sur le vin à travers les voyageurs étrangers et les missionnaires aussi, qui étaient très intéressés pour les raisons qu'on peut comprendre. Il y a une deuxième boisson qui est ce qu'on appelle la boza, et donc qui est en fait une boisson fermentée à base de céréales. Et c'est surtout de l'orge, surtout du millet et de l'orge qui servent à faire cette boisson, qui était plus populaire que le vin, meilleur marché, et qui était assez consommée. Alors il y avait deux sortes, il y en avait une qui était fermentée et une non fermentée. Et mais ce qui permettait d'ailleurs un peu de jouer un petit peu entre les deux, et elle était très en faveur pour l'armée, pour les janissaires, parce que la boza donne des forces, c'est très nourrissant comme boisson, c'est réchauffant, ça se consomme d'ailleurs surtout en hiver. Et puis, alors la troisième boisson, c'était le raki, donc qui fait son apparition au début du 15e siècle. On ne sait pas exactement d'où il vient. Le nom lui-même est un nom arabe qui veut dire la sueur de l'alambic. En fait, c'est en liaison avec l'alambic. Ce sont les Arabes qui ont inventé l'alambic. Le raki apparaît, mais la distillation, c'est un procédé plus complexe que la fermentation. Et pendant longtemps, il va être, au moins jusqu'au début du 19e siècle, il n'aura pas l'importance qu'avait le vin dans la consommation. Pour prendre un exemple, dans ce qu'on appelle la poésie bachique, c'est-à-dire la poésie qui est destinée aux très importante dans la littérature ottomane, en fait, le vin occupe une place fondamentale. Et on voit moins d'occurrences du raki, d'ailleurs sous la forme plutôt arabe de harak, qu'elle existe aujourd'hui au Liban, mais c'est reste beaucoup moins important. Et vous nous parlez de la poésie, François Georgeon, et bien justement, voici un poème. Salut à toi, ô inséparable compagnon du jeune et du vieux, et de les chansons. Dans la foire au plaisir du libertin, l'appât. Dans le flot généreux fait taire la vertu, dont la dernière goutte a tant de magie qu'elle apaise dans les cœurs tous les soubresauts. Compagnon de l'âme, vainqueur des tristesses, tu vaux plus que la vie, tu en es source même. Non, nul objet d'amour ne peut ravir autant, nulle part l'homme n'y peut glaner autant de joie. L'opium auprès de toi, piètre succès d'année, ses vertus pourtant nous sont familières. Ô vin, la joie que ton ivresse distille, au fort du déduit peut seul s'éprouver. Pour nous, le monde est taverne, fraise ou vert. Sans vin, point de joie. Point de volupté. Ô berceur du sage, ô berceur du gueux, le mal qu'on dit de toi, pure calomnie. Sans vin, point de joie, point de volupté, c'est un poème ottoman. Donc là, nous nous situons à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. Un néphi, ce poète, une lecture de Marion Malenfant. François Georgeon, étonnant de trouver une ode au vin par un poète ottoman. Un hymne au vin, oui, un hymne au vin d'un grand poète ottoman qui s'appelle Néphi. Il sera exécuté, mais pas parce qu'il fait l'éloge du vin. Ah d'accord. Parce qu'il aura fait des vers satiriques à l'égard du grand vizir et que ça n'a pas plu en haut lieu. Oui, on trouve énormément de vers de ce type dans la poésie ottomane, où le vin est célébré pratiquement par tous les poètes, en réalité. Il est célébré sous des noms d'ailleurs extrêmement variés, et c'est surtout les effets du vin, si vous voulez. C'est pas tellement la qualité proprement dite du vin comme on aurait tendance à le faire, par exemple, en France, mais c'est plutôt l'effet du vin, c'est-à-dire l'ivresse, mais l'ivresse dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas l'ivrognerie, l'ivresse qu'il donne et qui permet effectivement la joie d'un côté, ou bien l'extase et donc l'accès à Dieu, si vous voulez. Donc le vin a cette dimension mystique également qui est très importante. C'est l'ivresse, l'ivresse du vin, l'ivresse de Dieu, l'ivresse du divin. Et dans certaines confréries musulmanes, comme par exemple les Bektachi, eh bien le vin était consommé d'une manière très courante dans leur rite. Et c'est une confrérie populaire, ce qui fait qu'elle était en fait plutôt sympathique aux yeux de la population qui s'amusait du fait que les il y avait ces Bektachi transgressaient, parce que finalement la transgression est quelque chose de très important dans cette histoire. Il faut transgresser la loi religieuse, il faut aussi oser dépasser le regard des voisins. La visibilité est un élément extrêmement important dans cette histoire. Les Bektachi usaient de cela assez couramment et ils étaient très appréciés par le public. Et par les autorités ? Un peu moins. Un peu moins. Ils ont d'ailleurs été supprimés en 1826 par le sultan Mahmoud II, qui était pourtant un amateur de vin. En fait, ils ont été supprimés parce qu'ils avaient des liens avec une autre catégorie de la population qui buvait sérieusement, c'est-à-dire les janissaires. Les janissaires, c'est-à-dire la garde impériale, le fondement de l'armée ottomane. Alors, ce qui est curieux à l'égard des janissaires, c'est que on voit qu'il y a une complète ambivalence. C'est-à-dire, d'une part, en campagne, il semble qu'ils ne buvaient pas du tout. Et certains auteurs ottomans, certains auteurs européens, ont dit, en fait, une des raisons des succès des armées ottomanes au XVIe et XVIIe siècle lors de l'enquête, eh bien, c'est la sobriété du soldat. Alors que nous avons des armées de soudards, si vous voulez, eh bien, dans l'Empire ottoman, non, l'armée est tout à fait sobre et c'est peut-être une des raisons des succès de cette armée. Et puis, par ailleurs, ces janissaires avaient, alors en dehors des campagnes qu'ils menaient, lorsqu'ils étaient dans leurs casernes, etc., ils avaient une réputation vraiment de gros buveurs qui occasionnaient pas mal de désordres dans la ville. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils ont été supprimés en 1826 par le sultan Mahmoud II. Voilà, donc nous avons ici un regard très particulier sur la consommation d'alcool dans le monde musulman, avec un regard du sultan, de l'autorité. Ce sultan lui-même pouvait boire un coup. Oui, bien sûr. C'est ça aussi qui est complexe. Alors, il y a toujours la profondeur du temps, et ce n'est pas les mêmes sultans au même moment, avec les mêmes attentes. Certains d'ailleurs sont qualifiés d'ivrognes. C'est Selim. Selim II. Selim II était le fils de Soliman le Magnifique, c'est-à-dire celui qui a était le plus grand sultan de l'Empire au milieu du XVIe siècle, qui était lui-même, surtout sur la fin de sa vie, il est devenu très sobre, très puritain, et son fils ne l'a pas suivi, et déjà prince, quand il était prince impérial, eh bien, il était connu pour les parties fines qu'il organisait dans son palais, et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, tout en continuant une politique de prohibition, en fait, il s'adonnait à des fêtes très très arrosées, ce qui lui a valu effectivement le surnom de Selim l'ivrogne dans l'histoire, y compris dans l'histoire ottomane, chez les chroniqueurs ottomans eux-mêmes. Les sultans, beaucoup sans doute ont bu, on ne le sait pas pour tous, bien sûr. Mais ils ont bu surtout du vin, d'ailleurs je pense qu'ils n'ont sans doute moins consommé de raki, du vin, du champagne à partir du moment où le champagne était connu, c'est-à-dire vers le début du XVIIIe siècle dans l'Empire ottoman, et puis du cognac ensuite. L'un des derniers sultans, Abdulhamid, qui vivait à la fin du XIXe siècle et qui était très austère, très très puritain, partisan du califat et d'une forme de panislamisme, eh bien il buvait du cognac. Pas beaucoup, il buvait un petit verre de cognac, mais c'était pas un problème en réalité, et c'était pas avec le sentiment de commettre un péché, si vous voulez. Oui, parce qu'il y a une utilisation que l'on peut imaginer aussi de la règle religieuse, on le sait bien, ça a toujours été ainsi dans l'Empire ottoman par rapport à l'alcool. Il y a vraiment la volonté d'interdire de manière plus ou moins rigoureuse l'alcool avec une vision politique du temps de l'Empire ottoman. Oui, alors l'alcool parce qu'il est interdit par la loi religieuse, parce qu'il provoque des désordres. Donc il y a en fait la question de l'ordre public qui se pose beaucoup à propos de l'alcool. Il y a quand même des tavernes malfamées. En fait, il y a deux grandes catégories de buveurs, on peut dire. Il y a dans l'Empire ottoman, je parle classique, de l'époque classique, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire il y a ce qu'on peut appeler l'aristocratie, les disons ceux qui sont en haut de l'État, qui s'adonnent à des parties fines le long du Bosphore, qui ont des résidences, des jardins dans lesquels ils peuvent s'adonner facilement à la boisson. Et puis au bas de l'échelle, des tavernes, hein, parce que Istanbul est un grand port, et notamment dans toutes les zones côtières de la ville, toutes les zones portuaires, eh bien il y avait des tavernes, tout un milieu interlope. Alors là, très mélangé sur le plan religieux, ethnique, linguistique également. Et donc, voilà les deux grandes catégories, si vous voulez. Mais au XIXe siècle, on voit que ça change. C'est-à-dire qu'il y a, au fond, c'est l'arrivée d'une classe moyenne issue des réformes de l'Empire, c'est-à-dire des bureaucrates, des médecins, des avocats, qui commencent à boire, parce qu'ils voient dans le fait de boire... c'est une façon d'être moderne, de montrer qu'ils sont modernes, qu'ils sont, on utilisait à l'époque, ils utilisaient eux-mêmes d'ailleurs le terme civilisé, si vous voulez, qu'ils appartiennent à la civilisation. Et c'est à ce moment-là que le raki devient la boisson favorite. Mais ce qui est intéressant, parce que le raki, c'est une boisson en quelque sorte indigène, autochtone, si vous voulez. Donc il y a à la fois une marque d'identité par le raki, mais en même temps de modernité par le fait que l'on boit. Vous voyez, donc c'était finalement l'idéal qu'il recherchait, c'est-à-dire la modernité d'un côté, on boit, et l'identité, on boit une boisson ottomane dont on a pu dire qu'elle était la boisson nationale à la fin du XIXe siècle. Et j'imagine que le phénomène d'ailleurs s'accélère dans la Turquie du XXe siècle, avec la Turquie d'Atatürk. Mais François Georgeon, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous arrivez avec un ouvrage intitulé « Au pays du raki, le vin et l'alcool de l'Empire ottoman à la Turquie d'Erdogan ». Vraie problématique contemporaine sur la relation à l'alcool dans la Turquie aujourd'hui. Utilisation politique encore. Oui, pendant, à partir de la République, et en particulier de la République kémaliste, l'époque Mustafa Kemal fonde la République turque en 1923, on peut dire qu'il y a une très grande liberté de la consommation d'alcool. Mustafa Kemal lui-même était un grand amateur de raki. Et donc, il y a une grande liberté. Moi, j'ai connu cette liberté. Je fréquente la Turquie depuis un demi-siècle. Et donc, j'ai connu une liberté complète. Je n'ai jamais observé, jusqu'à ces dernières années, de contraintes particulières. Voilà. Mais depuis, disons, une vingtaine d'années, et depuis l'arrivée en particulier de l'AKP, le parti de la justice et du développement, et d'Erdogan au pouvoir, eh bien, il y a à l'agenda de ces nouvelles forces politiques qui représentent un islam conservateur, la volonté de marquer, si vous voulez, ce pouvoir par une limitation de la consommation d'alcool. Alors, il y a d'autres considérations. Il y a des considérations d'hygiène publique, d'ordre public également, la conduite automobile. Enfin, tout est bon, si vous voulez, pour essayer de limiter la consommation. On a pensé parfois créer des rues, des quartiers humides, notamment pour les touristes, des zones rouges réservées. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. C'est toujours cette tension, hein, entre la moralité et la fiscalité, et puis aussi l'habitude qui est ancrée dans la population, dans les populations urbaines, mais pas seulement, également à la campagne, de boire, parce que c'est un élément de la vie conviviale.